Allez. Ribéry, le ballon, il est juste, l'équipe de France. Il y a Ribéry déjà. Il est encore là. Mais je pense que c'est moyen. Il est signé. Très bien. Avec les cons qu'il y a là, et ces cons, on va s'en occuper. Laurent Malouda. Un peu moins la forme, Malouda. Buonasera, buenas tardes, good evening, et bonsoir et abolo. Ça va bien. Alors, excusez-moi, c'est la seule manière dont je parle allemand. Hein, donc c'est bien, on a appris qu'Olivier, 4 enfants, hein, un tir, un but, des stats à la Ronaldo, c'est beau. Bien joué. Fifi, tu te moquais de ces saignons qui tirent en tribune. Mais ouais, vas-y, essaye de mettre une lucarne avec 2 grammes dans le sang, toi. Vas-y, essaye. Au lieu de te faire le malin, parce que c'est facile. Non, mais les mecs, c'est facile de critiquer. Pauvre Stéphane. Sauf qu'en plus, là-bas, il est tenté et tout. La Guinness à 1 euro. Enfin, bref. Enfin, à 1 livre. Naples. Alors, on a appris que Naples jouait à guichet fermé. Remarque, t'as, mec, t'as raison. Parce que sinon, ils jouent à guichet braqué. C'est quand même pas forcément mieux. Parce qu'à Manchester, ils ont les caméras dans le stade ou ils ont carrément la camorra dans le stade. Tu vois, c'est pas la mafia qui fait l'équipe comme au Barça, c'est la mafia. C'est un autre genre. Mais en même temps, ça marche quand même. Hein, donc, tout le monde les laisse faire. Alors, on a parlé tout à l'heure de René Girard. Alors, René Girard qui a accueilli les Parisiens, il dit que c'était les seigneurs. C'était, ben, il s'est pas trompé, il s'est fait saigner. Donc, bien vu, René. Saint-Étienne, Dominique Rocheteau. Alors, Dominique Rocheteau, il nous a fait rêver, c'est l'ange vert, hein. Pas confondre avec Cédric Dory, l'angevin. Bon, il nous a moins fait rêver, Cédric Dory. Et donc, il nous a fait rêver. Mais quand il parle de foot, il fait un peu moins rêver, hein, Dominique Rocheteau. Quand il nous a parlé de ses objectifs, il nous a dit, alors c'est simple, c'est... Bon, ben, c'est équilibre financier, que les joueurs parlent la langue, qu'on assure avec un 4-4-2 prudent et un bon état d'esprit. Jusqu'au petit jour, on ira faire. Voilà. Donc ça, c'est Dominique Rocheteau. Avec un milieu Clément Lemoine, Guy Lavogui, considéré à peu près comme... par tous comme le milieu de terrain le plus showbiz de France, hein, côté Beckham et Cristiano Ronaldo, c'est les frères d'Amico. Et un entraîneur, bon écoute, si tu veux l'entraîneur, c'est Ginola qui aurait avalé Buster Keaton, donc autant te dire que... Oula, fais gaffe, il se vexe vite, lui. Hein, bah tu m'étonnes. Donc voilà, donc autant te dire que moi, les Stéphanois, ils vont se marrer cette année, hein. ça va encore rigoler. On va parler un peu de Ligue 2, alors Clermont qui perd contre Nantes, et qui n'est plus leader, mais qui reste dans le top 3. Il me dira Clermont, tant qu'ils restent dans le top 14, ils sont contents, parce que je vois pas ce qu'ils foutent en football, ils feraient mieux d'ailleurs rugby, comme tout le monde. Non mais c'est vrai, chacun son sport, merde, je sais pas pourquoi, il y a Clermont en foot, c'est n'importe quoi. Pire, je crois qu'ils ont même éliminé le PSG une année, en Coupe de France. Avec Enjolras. Oh là là, Enjolras, 2 minutes d'arrêt, Enjolras. Hein, pour les coller ça. T'as vu. Bravo. Alors, t'as vu comment on lui a chauffé sa petite. Quelle belle, c'était un beau film. Alors, Fenerbahçe, vous avez vu qu'à Fenerbahçe, les femmes dans le stade, ils ont fait, parce qu'ils ont voulu punir les supporters là qui avaient fait des femmes. Incidents. Ils avaient mis, ouais, t'as pas vu ça? Interdit aux hommes. Interdit un stade, interdit aux hommes. Que des femmes dans le stade. Alors, des enfants. Ouais, non mais moi je trouve ça sympa si tu veux, mais ils pensent aux joueurs les mecs. Non, parce que moi, déjà, quand il y avait 3 gonzesses derrière la main courante, ça me cassait la tête. Déjà, j'en pouvais plus. Quoi. C'était, t'as vu Ludo comme il est trop mignon? Oh, il lui a tiré par le chandail, monsieur l'arbitre! Tu vois, donc c'est bon, quoi. Donc t'imagines 30 000 gonzesses en furie. T'as l'impression de faire le lever de rideau de l'avant-première de Sex and the City 3, si tu veux. Donc moi, je me mets à la place. Moi, je dis, le foot, c'est pas ça. Le foot, il n'y a pas de nana. Au stade, tu viens en truc-hum. Ok, s'il y a des meufs, c'est une meuf par groupe de 10. Et la meuf, c'est la fameuse du mec qui est trop beau gosse, il garde ses cheveux et tout. C'est le seul qui se rase pas la tête. La meuf, elle a un jean qui lui moule le boule. Avec un gros pull épais qui lui cache les ins et l'écharpe du club autour du cou, elle parle pas. Elle écrase, parle abs. Juste elle demande si elle peut avoir un coca à la mi-temps, c'est tout. Ça c'est le foot. Le foot c'est des queues. Les meufs elles vont qu'à peu. Si elles veulent applaudir, elles ont qu'à aller aux enfants de la télé ou Hit Machine. Et les familles c'est au rugby. D'accord? Chacun son sport maintenant. Ah ça m'a saoulé sérieux. Non, alors maintenant j'ai envie de parler. Très, très mal ce que tu dis, Julien. J'ai envie d'avoir très, très mal. J'ai envie d'avoir une pensée. Si vous me permettez, j'ai envie d'avoir une pensée pour Eric Dimeco. Parce que c'est quand même pas cette période. L'OM va mal, le Sénat passe à gauche, fin de contrat chez Intersport. J'ai un peu l'impression. Quand ça veut pas rigoler, j'ai vraiment l'impression que ça rigole pas. Non, parce que Marseille, c'est chaud pour en ce moment, c'est avec la Champions League. Là, ils ont un calendrier plus chargé que la langue de Sidney Govou un dimanche matin. Je me dis que les supporters, là, j'ai entendu. Alors, les mecs, les supporters, ils veulent changer d'entraîneur, ils veulent changer de joueur, ils veulent changer de tactique. Les mecs, Changez de club. Venez à Paris, venez, c'est là qu'on est bien. Venez les copains, vous allez voir. C'est le PSG. Puis alors, hey, moi je suis content parce que le PSG ça marche. Et ça met une grande claque à tous ceux qui disaient que c'était qu'une histoire de pognon. Hein, ah, ils font moi les malins, regarde. Quoi que Pastore, il a été acheté combien, 42 millions? Mais il fait quoi Pastore? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. On aurait eu Ben Kalfalan, on faisait la même saison. C'est juste le talent de bien le faire jouer. Voilà. Alors oui, on a. Non mais c'est vrai, franchement, c'est exactement la même chose. Hein. Alors on a Sirigu, alors c'est le nouveau Buffon. Il remplace l'ancien Buffon. On a Pastore, le nouveau rail. On a Sako, le nouveau de Saï. On a Oaro, le nouveau remplaçant. Lou Yindola, la nouvelle mascotte. On est bien. D'ailleurs, vous avez vu que c'est la mascotte. Pote, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Mais lui, tout le monde, c'est ton pote à toi. Et puis derrière, dans leur dos, tu dis que des saloperies. J'adore ces mecs-là, moi. La mascotte, donc Germain le lynx. Alors, on savait pas trop pourquoi un lynx. Pourquoi un lynx? Moi non plus. Ce que je sais, c'est que c'est franchement ridicule. Alors, c'est en tout cas. Pour ceux que ça intéresse. Je te conseille de passer un petit coup de fil à monsieur Mimran. Oui. Directeur marketing du Paris Saint-Germain. Franchement, là, en ce moment, je suis hors forfait, donc si t'es gentil, je vais peut-être pas me claquer 1,20€. Je pense que c'est extraordinaire. Mais d'accord. Non, mais pour ceux que ça énerve, je rappelle que c'est un animal sauvage et qu'un prédateur, donc, et que l'ouverture de la chasse, c'était aujourd'hui à 9h. Hein. Donc PSG Lyon dimanche, apportez vos fusils. Normalement, c'est légal. Non, et puis surtout que c'est complètement con. C'est pas ça la tradition des mascottes. Avant, moi, je préférais largement Sami Traoré, Bernard Mendy, Francis Yasser. Ça, c'était des mascottes. Ça, on rigolait. Paris. En fait, on a appris qu'ils auraient dû acheter Oliech. Parce que d'Auxerre. Oui, parce que Kamel Chafny, il a dit, j'ai dû dans l'équipe, Oliech, c'est notre pasteur à nous. Ah, Chafny, je sais pas, je pense qu'il fume pas que des camels, hein, entre nous, hein, parce que moi je l'ai vu jouer au Liège, c'est quand même pas la même chose. Sochaux va vachement mieux, hein, vous avez vu, hein, mais bon, c'est normal, depuis leur retour de leurs deux vedettes, Maïga et Anin. Alors Anin, c'est comme Roger, hein, il s'est un peu pris pour le parrain, il s'est vite fait calmer, là, et il a eu droit au grand pardon, il s'en sort bien. Et surtout, l'autre, c'est surtout Maïga. Alors la combe, il lui a dit, écoute, ici c'est pas toi le boss, ok? Ici, tu respectes ton partenaire. Oui, parce que rapport à Peugeot, hein, on dit partenaire, hein, chez eux. Donc il dit ouais, parce qu'on t'a acheté 205. Ça, les gars, ils proposent 306. Seulement nous, en dessous de 807, on négocie pas. Ou alors, ouais, non, parce que sinon, après, les mecs, ils nous refilent un joueur de Ligue 2. Il n'y a plus de prime à la casse. Alors on a déjà Richard et Bréchet, sur lesquels il n'y a plus de reprise Argus possible. Alors t'es gentil, tu restes. En plus, on a récupéré Carlaou en leasing. Là, c'est pas le moment de faire n'importe quoi. Bon, je te laisse, faut que je retourne à l'atelier. Il paraît qu'il y a Corchia, il chasse de l'arrière. Là, je me demande s'il a pas coulé une bière, ce con. Allez, salut, hein. Et pour ton nouveau contrat. On va chez De Boer, on se rappelle. Voilà, donc ça c'est l'ambiance chez Sochaux. Hein. Non mais Maïga, c'est un grand buteur sochalien. Et c'est quand même le seul mec qui va au bras de fer après le mercato. Hein. C'est pas un con le mec. Hein. On a eu Batigol, Cavegol, là on a Mongol devant les buts. Non, c'est pas très sympa pour le peuple mongol qui a rien demandé et qu'on embrasse puisque l'émission est podcastée depuis les steppes de l'Asie centrale évidemment. Alors d'ailleurs, je voudrais en profiter pour. Je vais finir avec une jolie petite chanson. Une chanson de Johnny pour rendre hommage à un joueur qui ces derniers temps a pas été vraiment au top dans sa tête. Mais qui nous revient plus fort que jamais. Allez, c'est parti. C'est un joueur de Sochaux qui a été un peu décevant, mais et j'ai envie de lui demander. Quoi, Maïga? Qu'est-ce qu'il a, Maïga? Le doux, ça lui plaît pas. Moins 15, c'est pas si froid. Peugeot, c'est le Disneyland d'ici. Il fait noir de jour comme de nuit, mais des fois sur un coup de folie, on arrive à trouver du gris. Quoi, Maïga? Qu'est-ce qu'il a, Maïga? Allez. Oh, mon Béliard, c'est super. Oh, on dirait Manchester. T'es un peu le Freddy Canouté de Sochaux, la jugeote en moins. C'est vrai, quand on l'entend parler, il a pas vraiment l'air malien. Quoi, Maïga? Mais qu'est-ce qu'il a, Maïga? Quoi,